Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, Guernica, du massacre au chef-d'œuvre. Le 26 avril 1937, pendant la guerre civile espagnole, l'aviation allemande d'Hitler bombarde la petite ville basque de Guernica. Aucun combattant ne s'y trouve, non, seulement des civils, innocents, désarmés. En une nuit, la ville est réduite en cendres, les morts se comptent par milliers. 2 ans avant le début de la Seconde Guerre mondiale, le massacre de Guernica s'impose alors comme l'exemple même du meurtre à grande échelle, du crime de guerre, ou en un mot déjà utilisé à l'époque, terroriste. Et puis, avec le temps, bien sûr, la ville martyre a séché ses larmes et enterré ses morts. Mais personne n'a oublié son nom, et personne ne l'oubliera jamais. Depuis que sous les pinceaux de Picasso, l'horreur est devenue chef-d'œuvre, probablement le plus grand tableau tragique du XXe siècle. On le connaît, on l'a vu 1000 fois, ce tableau, en vrai ou en reproduction. Il est devenu une bannière, un symbole, celui du mal contemporain, celui de la guerre moderne. Et s'il faudra vous déplacer à Madrid pour admirer Guernica grandeur nature, vous pouvez dès aujourd'hui aller au musée Picasso de Paris qui lui consacre une grande exposition des dessins préparatoires à sa postérité, et ce jusqu'au 29 juillet. Nos invités aujourd'hui, Emilia Filippo, conservatrice du dit musée, et Géraldine Mercier, historienne de l'art, toutes deux commissaires associées de l'exposition. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Margot Pinel, coordination Christophe Barrer, réalisation David Jacoboviez. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Lundi 26 avril 1937. Séjour de marché à Guernica, petite ville de 6000 habitants située dans la province basque de Biscaye, au nord-est de l'Espagne. Sur la place centrale, bordée de tilleuls en fleurs, villageois, paysans des montagnes alentour et pêcheurs de Bermeo profitent des premiers rayons du soleil dans une insouciance qui n'est qu'apparente. Car à une dizaine de kilomètres à peine, les combats font rage. Depuis 9 mois, la guerre civile ensanglante l'Espagne. Un conflit fratricide qui oppose le gouvernement républicain du Front Populaire, largement élu, à une insurrection militaire et nationaliste dirigée par le général Franco. Commencée le 18 juillet 1936 dans l'indécision des armes, la partie s'est vite révélée inégale. Si l'URSS soutient financièrement les républicains, ce n'est rien comparé au camp adverse. Aux côtés des franquistes, la redoutable Légion Condor d'Hitler et le chemise noire de Mussolini marchent en ombre et en cadence. La France et la Grande-Bretagne, elles, refusent d'intervenir, bien trop inquiètes de déclencher un conflit mondial. Durant les premiers mois de la guerre, le Pays basque est relativement épargné. Il faut dire que cet affrontement entre rouges et fascistes n'enthousiasme guère les euskariens. Traditionnellement conservateurs et profondément catholiques, ils auraient pu rejoindre les franquistes. Mais ces derniers veulent une Espagne unifiée et centralisée, quand les Basques, eux, rêvent avant tout d'indépendance. Ils se rangent donc très majoritairement dans le camp des républicains, sachant que leurs terres ne seront pas longtemps oubliées. D'autant que la Biscaye est le fief industriel de l'Espagne et Bilbao, un port stratégique. Sur les postes de radio, l'écho de la doctrine du général Franco résonne, elle, de plus en plus menaçante. Un Estado totalitario harmonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades. Un État totalitaire pourra vitaliser toutes les forces de l'Espagne. Avec l'unité du pays, le travail, notre premier devoir sera l'unique expression de la volonté populaire. Le 31 mars 1937, les franquistes, soit une force de 50 000 hommes menée par le général Molla et appuyée par l'aviation allemande, passent à l'offensive. En quelques heures, la ville de Durango est rayée de la carte. Mal équipés, les combattants basques perdent du terrain tandis que les troupes fascistes continuent leur avancée vers le nord, cap sur Bilbao. Située à mi-chemin, la petite ville de Guernica tremble. Au couvent de Santa Maria, on prie le ciel, mais on prend surtout bien soin de le scruter. Deux religieuses sont en permanence chargées de surveiller et de donner l'alarme en cas d'attaque aérienne. Il est 16h30, ce 27 avril 1937, lorsque les cloches se mettent à sonner à toute volée. Dans les rues escarpées de Guernica, sur la place des marchés, la population se fige et lève les yeux vers le ciel. Quelle est donc cette étrange rumeur ? Alors le silence s'installe, lourd, pesant, de ceux qui précèdent les tragédies. Et quelques minutes plus tard, les premiers avions allemands de la Légion Condor, nés arrondis, apparaissent en formation serrée au-dessus de la ville et déversent 2,5 tonnes de bombes explosives. Un immense nuage noir obscurcit le ciel. Puis les escadrilles nationalistes se succèdent, interminables. 43 avions Heinkel, 51 Junker, 52 bombardent Guernica, éventrent les rues, incendient les maisons. Des chasseurs volant à basse altitude mitraillent la population paniquée qui tente de fuir sur des charrettes. Alors, vieillards, femmes, enfants, bestiaux, ils titubent comme des aveugles. Il est 19h45. Le cauchemar aura duré 3 heures. Un survivant témoigne. Cette nuit-là, je suis allé au-dessus de Guernica dans un lieu nommé Luno, où il n'y a que quelques maisons, avec un ami. Et nous avons été accueillis. Ils nous ont donné un peu de lait, nous n'avions pas mangé de la journée, et ils nous ont laissé l'écurie pour dormir. Ma mère me trouva là. Quelqu'un m'avait dit qu'on l'avait vue. Elle était au milieu de la place, en criant. Nous nous sommes embrassés. Et nous sommes descendus au village. Nous avions obtenu une voiture de la police basque pour nous amener à Bilbao. Nous ne savions rien sur la mort de mon père, de mon frère, et c'est ainsi que nous sommes partis de Guernica. Un autre de mes frères, âgé de 10 ans, avait vu le bombardement près de la caserne, à côté d'un soldat. Une bombe tomba, qu'il a tué sur le coup. Ce frère garda un tel souvenir du bombardement que lorsque nous sommes partis pour Bilbao, nous habitions à côté d'un tunnel de chemin de fer et il restait toute la journée sous le tunnel. Au total, la Légion Condor, menée par le chef d'état-major Richthofen, largue plus de 50 tonnes de bombes explosives et incendiaires. Pendant 3 jours, Guernica brûle. Les 3/4 de la ville, largement construite en bois, sont détruits. Le nombre de victimes, longtemps sujet à caution, est aujourd'hui admis 1654 morts, 890 blessés. C'est énorme. Concrètement d'ailleurs, tout autant que symboliquement, car c'est le premier anéantissement aérien d'une population civile innocente et désarmée. Ce 26 avril 1937, sur Guernica, l'aviation allemande inaugure la technique dite du tapis de bombe, c'est-à-dire, je cite, « une attaque soudaine, inattendue et dévastatrice menée avec la précision et la rapidité de la foudre. Un crime de guerre ». Pour Hitler, la guerre civile espagnole devient alors l'occasion rêvée de perfectionner ses tactiques militaires et de tester sa jeune Luftwaffe. Une sorte de répétition générale, comme l'explique l'historien Serge Salland, micro de France Culture. Guernica est, selon toute vraisemblance, une manœuvre militaire menée par la Légion Condor dans un but purement d'entraînement, j'oserais dire. Bon, on sait que l'histoire de la Légion Condor en Espagne est une histoire menée depuis Berlin dans une optique d'entraînement des troupes, des armes, des armements, des techniques, des intendances militaires. Tout a été mené d'une façon très concertée, très élaborée. Guernica intervient à un moment donné où ce front du Nord est en pleine déconfiture. Le bombardement ne sert à rien. Il ne sert que parce que la Légion Condor, en particulier, met au point un système de bombardement. En Espagne, on a improvisé beaucoup de choses, on a inventé beaucoup de choses. Le bombardement des villes ouvertes, par exemple, aussi, ça s'est fait à Guernica, le bombardement des villes en piqué par les avions en champ vague successive. Donc Guernica ne peut pas être compris comme un processus militaire de prise d'une ville et de mettre au point une technique de bombardement, c'est tout. On ne va pas plus loin. Oui, mais enfin, pourquoi Guernica ? Un télégramme de la Légion Condor adressé à Franco atteste que l'attaque a été sollicitée par les nationalistes espagnols pour détruire le pont de la Renteria, situé au nord de la ville. À cause du manque de visibilité, les avions auraient raté leur objectif et bombardé, par erreur, le centre-ville. Alors, c'est donc ça, Guernica, une bavure ? Difficile à croire, d'autant que les bombes incendiaires utilisées sont totalement inefficaces contre un édifice en pierre, non ? En réalité, Guernica ne représente aucun intérêt stratégique ou militaire, mais symbolique et pour cause. La petite ville de Biscaye est en effet la capitale historique du Pays Basque, un lieu sacré. C'est sous son chêne que depuis des siècles, les rois d'Espagne viennent prêter serment aux fueros, les privilèges accordés par la royauté aux Basques. Ironie du sort, l'arbre séculaire est épargné par les flammes. Avec le bombardement de Guernica, le général Franco veut donc atteindre le cœur, l'âme même de l'identité basque. Son but est de démoraliser durablement les populations civiles et de miner la résistance républicaine. Il prône une guerre d'anéantissement et en appelle à la rédemption des habitants. Désormais, plus rien n'arrêtera la croisade meurtrière du Caudillo. Le 19 juin 1937, Bilbao tombe, puis Santander, Oviedo, Giron. En quelques semaines, la totalité du Pays Basque passe sous la coupe franquiste. Mais l'histoire a retenu le nom de Guernica, ville martyre. Et elle le doit bien sûr à un peintre espagnol célèbre, exilé volontaire à Paris depuis 30 ans. Au printemps 1937, lorsque les troupes franquistes se lancent à l'assaut du Pays Basque, à 1000 km de là, Pablo Picasso tourne en rond dans son atelier de la rue des Grands Augustins. À 55 ans, riche et célèbre, au sommet de son art, le peintre est dans l'impasse. Voilà 2 ans qu'il peine à trouver l'inspiration, comme en témoigne le catalogue de ses œuvres. Seulement 40 peintures et dessins en 1936, un chiffre très inférieur à sa moyenne annuelle. C'est que, sur le plan personnel, Picasso est un homme meurtri et déchiré. Fidèle à sa réputation de séducteur, il se débat avec 3 femmes. Olga, son épouse, Marie-Thérèse Walter, sa jeune amante avec qui il vient d'avoir un enfant, et la photographe Dora Maar, une passion naissante et dévorante. Le carré amoureux l'oblige alors à des acrobaties permanentes pour maintenir l'une dans le secret de l'autre. C'est dans ce contexte qu'en février 1937, le gouvernement républicain espagnol commande à Picasso une grande fresque destinée à décorer le pavillon d'Espagne lors de l'exposition universelle. Elle doit se tenir cette année-là à Paris sur le thème « Art et technique de la vie moderne ». Bien évidemment, il est laissé au maître une totale liberté de création. Aucun thème, aucune référence, aucune dimension ne lui sont suggérées, encore moins imposées. Tout juste lui indique-t-on que l'exposition doit être inaugurée le 25 mai 1937. Bien, Picasso accepte, reste à retrouver la flamme artistique. S'il paraît évident que le projet de ce pavillon espagnol est conçu comme un acte de propagande politique en faveur de la République, légalement élue, rappelons-le, l'artiste hésite sur l'attitude à prendre. Il faut dire que depuis le début de la guerre civile, il y a 9 mois, Picasso est resté quelque peu indifférent aux événements qui déchirent son pays natal. Oh, il a bien fait quelques gravures satiriques du général Franco, mais il ne s'est jamais positionné publiquement, pas même lors de l'exécution du poète espagnol Federico García Lorca. Pris au dépourvu par cette commande officielle, Picasso tâtonne, songe un temps à faire un tableau sur le thème « Le peintre et son modèle ». Il procrastine, comme on dirait aujourd'hui. Il en est là. Lorsque le 29 avril 1937, il ouvre le journal et découvre l'horreur. Le bombardement de Guernica, 3 jours auparavant. Dans les pages de l'Humanité, il lit bouleversé le reportage du journaliste anglais George Steer, correspondant pour le Times. Arrivé le soir même du drame, il livre un récit dénué de sensationnalisme, mais accablant pour les franquistes. Extrait. À 2h du matin, quand j'ai visité la ville, le spectacle était terrifiant. Guernica brûlait d'un bout à l'autre. Durant toute la nuit, des maisons s'écroulèrent, au point que les rues étaient encombrées de longs amas de débris rougeoyants, impénétrables. Par son exécution et le degré des destructions perpétrées, autant que par le choix de son objectif, le bombardement de Guernica est sans exemple dans l'histoire. Guernica n'était pas un objectif militaire. Le but était apparemment de terroriser la population civile et de détruire le berceau de la race basque. Le système employé par les appareils de bombardement allemands peut intéresser ceux qui étudient la nouvelle science militaire. Il s'agit, d'abord, d'employer d'énormes bombes pour semer la panique dans la population, puis de mitrailler les gens pour les obliger à se réfugier sous terre, et enfin, de déverser de grosses bombes incendiaires pour démolir les bâtiments qui brûlent alors sur leurs victimes. Cet article, publié en une du Times le 27 avril 1937, soit le lendemain du bombardement, trouve un écho retentissant en Grande-Bretagne, un impact sans égal, mais qui mettra plus de 3 jours à traverser la Manche. En effet, les journaux français qui dépendent de l'agence de presse Havas sont très mal et très tardivement renseignés sur le bombardement de Guernica. Pire encore, certains articles, comme dans le Figaro, vont jusqu'à reprendre les propos de la propagande fasciste. Selon elle, Guernica a été incendiée par les rouges séparatistes, dynamitée par des saboteurs basques et des mineurs asturiens pour discréditer Franco. Voilà d'ailleurs ce que l'on pouvait entendre sur les ondes espagnoles et allemandes au lendemain de la tragédie. Cierta prensa aseguró que esta desgraciada ciudad fue destruida por la aviación nacionalista. Certains journaux ont prétendu que cette malheureuse ville avait été détruite par l'aviation nationaliste. Des bidons d'essence trouvés près de l'église montrent que des groupes d'incendiaires ont dévasté cette ville pittoresque, berceau des droits basques. Das sind die Ruinen der altspanischen Stadt Guernica. Voici les ruines de la vieille ville de Guernica, après que les incendiaires bolcheviques en ont été chassés par les troupes nationalistes. La presse juive mensongère a prétendu que les Allemands l'avaient bombardée. Mais la presse internationale a dû admettre que cette annonce n'était qu'une manœuvre des bolcheviques, lesquels ont incendié la ville maison par maison avant de la quitter. Mais pour la très grande majorité du public, les véritables assassins de Guernica ne font aucun doute. Et l'Europe regarde son destin dans le trouble miroir que lui tend l'Espagne. Pour Picasso, c'est un électrochoc. Plus que les mots, ce sont les images qui le bouleversent. En particulier, 3 photos montrant la ville anéantie, publiées la une de Ce Soir, le quotidien que vient de fonder son ami Louis Aragon. D'un simple coup d'œil, il sait. Sa peinture, destinée au pavillon espagnol de l'exposition universelle de Paris, s'appellera Guernica. La mort si difficile et si facile, pour reprendre les mots du poète Paul Éluard. L'injustice tombe du ciel, il faut à la fois peindre et crier. Dès le lendemain, le 1er mai 1937, Picasso se lance à corps perdu dans son œuvre. Pendant des semaines, il travaille jour et nuit, enfermé dans son atelier des Grands Augustins au numéro 7. Là où Balzac, un siècle plus tôt, situe l'action de son livre « Le chef-d'œuvre inconnu », réflexion sur la mission de l'art. Ne pas copier la nature, mais l'exprimer. Pendant toute cette période de frénésie créatrice, d'investissement total, Picasso reprend à son compte la maxime balzacienne et, en chérie, « Je ne cherche pas, mais j'attends de trouver ». Sur ses premiers croquis apparaissent déjà les principales figures de son Guernica. Un taureau impassible, le cadavre d'un combattant étendu sur le sol et une porteuse de lumière, flamme éclairant les ténèbres. Il griffonne aussi des chevaux tordus de douleur, des corps éventrés. Puis, dans les jours qui suivent, il trace plusieurs variantes d'une femme fuyant le désastre, son enfant mort dans les bras. À l'écrivain André Malraux, venu lui rendre visite, il dit « Je voudrais que ces figures montent se placer dans la toile en grimpant comme des cafards. » Au total, sans compter ceux qui ont été perdus ou détruits, ce sont 45 dessins et gouaches jetés passionnément sur le papier. Après 10 jours de travail, le 11 mai 1937, la toile blanche arrive dans l'atelier. Mais une fois montée sur le châssis, problème, elle est trop grande et pour cause. Le tableau mesure 8 mètres de long sur 3,5 mètres de hauteur. un projet à la mesure de sa démesure. Picasso est donc obligé de peindre sur une surface légèrement inclinée avec un long pinceau perché sur un escabeau. À ses côtés, appareil photo à la main, sa muse et compagne, Dora Maar. Elle réalise alors le premier reportage photographique sur une œuvre en cours d'exécution. Une dizaine de clichés tirés au fur et à mesure qui ne montrent pas le peintre pris sur le vif, mais plutôt un long processus de création. Dora Maar devient ainsi une confidente privilégiée, unique, comme elle en témoigne des années plus tard au micro de France Culture. Il y a une chose importante, c'est qu'il a dit « Le taureau, c'est le peuple espagnol ». Et alors, il m'a dit « Le personnage à l'extrême droite, c'est vous ». Alors, ce sont les seules explications qu'il ait données. Et je lui ai dit « Et l'oiseau ?» Que représente l'oiseau ? Alors, il n'a pas répondu. Il n'a rien dit. Il a donné simplement ces deux explications. Donc la femme qui pleure à l'extrême droite, ce serait une représentation... À l'extrême droite, la femme qui tend les bras qui en tend l'air, les bras, oui. C'est moi. Et la femme qui tient la torche aussi, le profil, si on veut, c'est moi. Et autrement, il n'a donné aucune explication. Ce qui est important, c'est que le taureau, c'est le peuple espagnol. Pendant un peu plus de trois semaines, sur l'immense toile blanche, la guerre de Picasso prend forme. Sept versions successives se recouvrent les unes les autres, car le peintre veut quelque chose de neuf, de radical, de définitif. Peu à peu, il élimine symboles et artifices, épure les images d'épouvante. Après quelques hésitations, il abandonne aussi la couleur. Guernica sera noir, gris et blanc, comme les gros titres des quotidiens de l'époque, comme les films d'actualité, comme les photos envoyées d'Espagne par Bellinographe à la trame si contrastée qu'on peine à les déchiffrer. Et le 4 juin 1937, la toile est terminée, monumentale, 27 mètres carrés qui disent tout de la folie des hommes. Elle reste encore quelques jours dans l'atelier des grands Augustins où quelques privilégiés, artistes et amis peuvent venir l'admirer enthousiaste et unanime. Vers la mi-juin, soit un mois après l'inauguration officielle de l'exposition universelle, les responsables du pavillon espagnol s'inquiètent. Quand pourront-ils récupérer l'œuvre ? Picasso leur répond « Si vous ne me l'enlevez pas et ne l'emmenez pas, je ne l'achèverai jamais. » Quelques jours plus tard, une fourgonnette vient le délivrer. Et bientôt, la foule parisienne pourra à son tour découvrir et pleurer Guernica. Parigi. Paris, Paris. Oh, Paris, Paris. Oh, Parigi. Paris, Paris. Paris. Oh, Paris. Oh, Paris, Paris. Paris. Paris. Oh, dis donc, tu parles d'un truc pour du gâteau, c'est du gâteau. Après l'exposition de 1889, après celle de 1900, l'exposition des arts et techniques de 1937 est ouverte. L'Espagne, victime de l'agression et de la guerre civile, offre à la sympathie des visiteurs un pavillon de lutte et de combat pour la défense de la République. Victime de la non-intervention à sens unique, elle affirme sa foi dans la victoire finale du droit, de la justice et de la liberté. Le 25 mai 1937 s'ouvre l'exposition universelle de Paris sous l'égide du chef du gouvernement, Léon Blum, expo consacrée aux arts et techniques de la vie moderne. Le long de la Seine s'échelonnent 300 pavillons, sont convoquées toutes les promesses de l'époque. En point d'orgue, le nouveau palais de Chaillot avec sa trouée géniale, son belvédère, d'où l'on peut voir le soir venu et admirer les jeux de lumière de la fée électricité. Puis encore, cette exposition universelle reflète de façon impressionnante l'état du monde en 1937, deux ans à peine avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. De part et d'autre, du bassin du Trocadéro, dans un parfait face-à-face, le pavillon de l'Allemagne nazie affronte celui de l'Union soviétique. L'aigle et la croix gammée contre le prolétaire et la kolkhozienne. À leur côté, petit parmi les grands, le pavillon de la République d'Espagne, plongé dans la guerre civile depuis un an. Ici, au rez-de-chaussée, le public peut découvrir pour la première fois la grande fresque commandée à Pablo Picasso pour l'occasion, Guernica. Le tableau est organisé comme un triptyque dont les principales lignes de force se forment un triangle. Au milieu se dresse un cheval blessé sous un soleil en forme d'ampoule, une porteuse de lumière et une femme immense qui se traîne hébétée, fascinée par le massacre. À gauche, un taureau impassible, symbole de l'Espagne, une colombe blessée, un combattant en morceaux gisant sur le sol et une femme s'est rencontrée le cadavre de son enfant, Pietà moderne. Enfin sur le volet droit, une femme hurlante tombant dans les ruines de sa maison incendiée. Toutes ces figures meurtries possèdent une telle agressivité, une telle douleur, qu'on dirait des structures primitives, des pulsions. Les corps sont comme métamorphosés par la douleur. Mais on ne voit pas un avion, pas une bombe. Pourtant, si nombreux durant le massacre de Guernica, c'est que Picasso ne peint pas l'horreur, mais l'idée de l'horreur. Son chef-d'œuvre est une déflagration, un cri universel contre la barbarie, comme l'explique le critique d'art Jean-Louis Ferrier. Quand on regarde cette partie de gauche du tableau, on voit que la femme, la mère, qui part avec son enfant, elle n'est plus qu'un cri. C'est un cri qui part comme ça du fond du corps et qui se monte comme ça jusqu'ici à la gorge. Elle a la tête qui est rejetée en arrière et puis la langue qui devient une pointe, comme chez le cheval par exemple. Et je dis ça... Eh bien, c'est une image interne, ça n'est pas une image réaliste. Ça n'est pas simplement une femme qui porte son enfant et qui court et qui fuit le massacre. C'est l'expression visuelle d'un sentiment profond qui, dans le cas particulier, est le désespoir. Ainsi exposé dans le pavillon de la République espagnole, Guernica n'est plus seulement Guernica, mais un acte politique. Pour Picasso, la peinture n'est pas faite pour décorer les appartements. C'est un instrument de guerre, offensif et défensif contre l'ennemi. Une vision de l'art qui n'est pas du goût de tout le monde. Le tableau provoque en effet de vifs débats. Certains intellectuels français de gauche, notamment communistes, sont choqués par le manque de réalisme de la toile, peu adaptée aux circonstances, disent-ils. Pour eux, l'art doit avant tout éduquer les masses et parler directement au peuple. Guernica, lui, serait... antisocial, trop personnel, trop complexe, en un mot, un tableau d'esthète, donc bourgeois. Picasso leur répond. Vous savez, ce taureau est un taureau, et ce cheval est un cheval. Si vous attribuez une interprétation à certains éléments de mes peintures, il se peut que cela soit tout à fait juste, mais je ne souhaite pas livrer cette interprétation. Face à ces critiques, les éloges sont bien plus nombreux. La foule venue des quatre coins du monde se presse pour voir Guernica, parfois déroutée, jamais indifférente. Le poète Michel Léris, lui, est bouleversé par quelque chose, dit-il, d'inoubliablement beau. Picasso nous envoie notre lettre de deuil, tout ce que nous aimons va mourir. Le peintre et ami de Picasso, Édouard Pignon, se souvient, lui, aussi, de la première fois qu'il a vu l'œuvre à Paris. Et il en parle au micro de France Culture. Bien, en général, par les jeunes peintres, disons des jeunes peintres qui s'intéressaient à la peinture moderne, ce tableau a été un choc terrible. Le tableau venant d'être fait, étant exposé, enfin, dans ses premiers jours, c'était quelque chose d'inhabituel. On était bien habitué, évidemment. On avait vu dans les galeries des Picasso, des Braque ou autres, mais il y avait dans ce tableau un dépassement. Picasso avait dépassé Picasso et il accédait là à une grande époque, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'il devenait le rival de toute la grande peinture du passé, n'est-ce pas ? Et en effet, cette peinture est une peinture qui incarnait toutes les luttes politiques et esthétiques de l'époque, parce que Picasso, non seulement exaltait, enfin, c'est une sorte de cri, n'est-ce pas, à la suite de ce massacre qui était fait dans son pays, mais il dépassait le cubisme par sa forme, par... la violence des choses, par la contradiction des formes, par les symboles exprimés, n'est-ce pas ? Et c'était quand même pour nous un choc terrible, parce qu'on n'avait pas encore vu ça. C'était tout neuf, qu'est-ce que vous voulez ? Guernica est également un pari extraordinaire. Alors que tout l'art moderne s'est développé contre la peinture anecdotique, Picasso, en pleine maturité, fait pour la première fois une peinture moderne d'histoire. 30 ans après les Demoiselles d'Avignon, acte fondateur du cubisme, il réinvente ainsi, et une nouvelle fois, l'art pictural. À la fin de l'Expo universelle de Paris, le 25 octobre 1937, Guernica commence un long périple à travers les musées européens, dans le but de financer la résistance républicaine espagnole. La consigne est de Picasso lui-même. D'Oslo à Liverpool, de Copenhague à Londres, le tableau devient le symbole de la lutte antifasciste, un emblème contre l'ennemi. Mais le poids des images est parfois peu de chose face au bruit de la mitraille. L'Espagne n'est plus qu'un grand cimetière sous la lune, pour reprendre le titre du pamphlet de Bernanos. En janvier 1939, les troupes républicaines sont défaites et ne bénéficient plus d'aucune aide de l'Union soviétique. Le 28 mars, les franquistes entrent dans Madrid. 400 000 Espagnols prennent alors le chemin de l'exil et passent la frontière française. Dernier acte, le 1er avril 1939, le général Franco annonce sa victoire. Aujourd'hui, après avoir capturé et désarmé l'armée rouge, les troupes nationalistes ont atteint leur objectif. La guerre est finie. Burgos, 1er avril 39, année de la victoire. Le tableau de Picasso, lui, continue son interminable périple. Le 1er mai 1939, il accoste aux États-Unis. Guernica doit y rester quelques mois pour faire le tour des grands musées américains avant de repartir en Europe. Mais entre-temps, la Seconde Guerre mondiale éclate. Le vieux continent plonge une nouvelle fois dans les ténèbres. Impossible donc, dans ces conditions, de rapatrier Guernica, qui reste à l'abri au MoMA, le musée d'art moderne de New York. Paris, pendant l'occupation, l'immense notoriété de Picasso lui procure une relative protection sans lui épargner pour autant les tracasseries. Les officiers de la Commandantur viennent souvent lui rendre visite dans son atelier des Grands Augustins. À chaque fois, il leur distribue des cartes postales reproduisant « Guernica ». « C'est vous qui avez fait ça ?» lui demande un jour l'un d'entre eux. « Non, c'est vous », répond Picasso. « Six ans plus tard, en 1945, la guerre est finie, mais l'Espagne continue de vivre sous les ordres de Franco. En 1970, le dictateur, qui regrette de ne posséder aucune œuvre du peintre espagnol, réclame le rapatriement de Guernica, toujours exposé à New York. Picasso refuse catégoriquement et l'inscrit même dans son testament. Guernica appartient au peuple espagnol, auquel il ne sera rendu que quand celui-ci aura récupéré les libertés qui lui ont été arrachées. On ne saurait être plus clair. Après la mort de Franco en 1975, le vœu du peintre sera donc exaucé, mais à titre posthume. Pablo Picasso, décédé 2 ans plus tôt, ne verra pas son tableau arriver sur le sol espagnol. C'était le 10 septembre 1981, c'était le dernier exilé à revenir au pays après la guerre civile, dira le ministre de la Culture, Inigo Cavallo. Lorsque le long cylindre de 8 mètres de long, entièrement recouvert d'un épais verre antibale, a été extrait des soutes de l'avion, il y a eu ce matin dans toute l'assistance un moment d'émotion intense, comme s'il s'agissait du cercueil d'un parent ou d'un ami. En fait, c'était presque cela, puisque l'Espagne récupérait avec Guernica le premier témoin de son histoire récente, en même temps que celui de ses passions jamais assouvies. Sur le chemin du musée, juché sur la plateforme arrière d'un camion, entouré d'un essaim de policiers et de troupes spéciales antiterroristes, l'œuvre la plus célèbre et la plus polémique de ce siècle était mieux escortée, si c'est possible, que le roi lui-même, tandis que les hélicoptères suivaient en permanence la progression du convoi, commentés à chaque carrefour et en direct par toutes les radios du pays et les télévisions. À certains moments, des mains se sont tendues pour le salut fasciste, en même temps que jaillissaient quelques insultes. Guernica, c'était aujourd'hui un peu le dernier exilé à revenir au pays, mais un exilé qui réveille encore les souvenirs des temps difficiles et donc des ressentiments. Quarante-cinq ans après sa réalisation, Guernica retrouve donc sa place au musée Reina Sofía de Madrid et n'en bougera plus. Mais aujourd'hui, le tableau n'a plus d'espagnol que l'auteur et son nom, car il est devenu un symbole universel, la guerre de toutes les guerres, la douleur de toutes les douleurs. Car de Coventry à Hiroshima, de Sarajevo à Alep, l'histoire bégait affreusement. Avec son cheval blessé, son taureau impassible, sa mère qui fuit en emportant son enfant mort dans les bras, sa femme happée par une gueule d'enfer, Guernica rejoint notre siècle. C'est un hurlement contre l'abomination, la brutalité et la folie des hommes. ¿Cuántas vueltas para llegar siempre al mismo sitio? La soledad de este precipicio del que saltar como piedra inerte. ¿Cuánta gente, cuánta ansiedad viven sus latidos? ¿Y cuántas guerras sufren sus mentes? ¿Cuánto dolor duele sin sentido? Entre el vértigo que da vivir tan rápidamente, tan lejos de ti, tan lejos de sí, tan lejos que difícil la felicidad si todo es tan ajeno a ti que apenas te sientes. Suéltalo, malo, y déjalo correr, que estás en vuelo. Oh, óyeme, ponte en talla y vámonos de aquí pa'l cielo. Suéltalo, malo, y déjalo correr, que estás en vuelo. Oh, óyeme, ponte en talla y vámonos de aquí pa'l cielo. Suéltalo, déjalo correr. Suéltalo, que estás en vuelo. Suéltalo, suéltalo, malo, de aquí pa'l cielo. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Guernica, le drame humain et bien sûr, le tableau. Avec deux invités, Emilia Filippo, bonjour. Bonjour. Conservatrice au musée Picasso de Paris et Géraldine Mercier, bonjour. Bonjour. Historienne de l'art, vous êtes toutes les deux commissaires associées de l'exposition Guernica qui se tient au musée Picasso du 27 mars, c'est-à-dire d'avant-hier jusqu'au 29 juillet prochain. Voilà. Bon, on va commencer par ça, hein, mesdames, qui veut me parler alors, dans ces grandes lignes de ce que le visiteur peut voir, qui s'y colle, si j'ose dire. Emilia Filippo ou Géraldine Mercier? Donc l'exposition Guernica... Donc c'est Emilia Filippo qui parle. C'est bien moi. Voilà. L'exposition Guernica au musée Picasso donc, revient sur l'histoire de Guernica en deux grands chapitres. L'histoire de la création de la toile, en repositionnant l'œuvre dans son contexte politique, dans le contexte de la création de Picasso, en revenant sur la commande également, et sur tous les différents états documentés par les photographies de Doramar. Et puis à l'étage, le second chapitre raconte l'histoire de Guernica une fois que la toile quitte l'atelier des Grands Augustins, et toutes ses pérégrinations à travers le monde, ses récupérations politiques ou son influence, en tout cas esthétique, pour les artistes, notamment contemporains, puisque c'est une exposition qui présente aussi beaucoup d'art contemporain. Vous devriez publier notre texte en dessous, parce qu'on a raconté l'histoire de Guernica. Alors, il est à Madrid, hein, ce tableau, il n'est pas au Prado, il est au Reina Sofia, indéplaçable, hein, vous confirmez, indéplaçable, tous les tableaux ne sont pas indéplaçables, celui-là, pourquoi est-il indéplaçable, qui veut me répondre. Je vais vous proposer la parole, comme ça vous la prenez, alors peut-être pour le coup Géraldine Mercier. Oui, tout à fait. Alors Guernica, comme vous l'avez dit au début, c'est un chef-d'œuvre de l'histoire de l'art en général, de l'art du XXe siècle. C'est une œuvre qui a beaucoup voyagé tout au long de sa vie, si je puis dire, depuis 1937, lors de sa première exposition à Paris, et puis ensuite aux États-Unis, en Europe, jusqu'au Brésil. Et ce sera pour des raisons de conservation, que la toile ne peut plus bouger, parce qu'elle est trop fragile. C'est une très grande toile, un format monumental qui est composé de trois lais, en fait, de toile. Et puis ensuite, c'est aussi un symbole esthétique très important, et un symbole politique pour l'Espagne. Au moment de sa restitution, comme on dit, ou de son arrivée en Espagne en 1980, elle est arrivée à Madrid, mais plusieurs villes se disputaient pour pouvoir récupérer le chef-d'œuvre chez elle, à savoir Barcelone, puisqu'elle accueille le musée Picasso de Barcelone, la propre ville de Guernica et Madrid. Bien sûr. Du pouvoir. Alors, je conseille à nos auditeurs, pas ceux qui sont en voiture, hein, c'est compliqué, c'est même interdit, mais qui sont chez eux, je sais pas, d'allumer leur ordinateur, de se mettre sur Google, faire Guernica image, comme ça. Pendant qu'on va parler, parce qu'après tout, on le connaît pas forcément par cœur, le tableau, ben vous l'aurez devant les yeux. Vous allez voir, ça va vous rendre service, que je voudrais qu'on revienne sur 4 ou 5, non pas des détails, hein. Ce serait une terrible de dire ça, ce sont des figures très importantes. On l'a dit, le taureau, la photographe l'a dit, hein, l'a confirmé, le taureau, c'est le peuple espagnol. Le cheval agonisant, on peut revenir sur le cheval agonisant qui veut m'en parler. On peut revenir sur tous les figures, les personnages de cette grande toile. Alors, le taureau, c'est vrai que Doramar dit que c'est le peuple espagnol, elle rapporte des propos de Picasso. Picasso dit aussi plus tard, le taureau est un taureau, le cheval est un cheval. Oui. Et en réalité, l'interprétation de cette œuvre demeure complètement ouverte. Puisque ce qu'on essaye de montrer aussi dans l'exposition, c'est comment ces motifs, en fait, Picasso va les récupérer d'un répertoire qui est le sien. Et évidemment, le taureau et le cheval sont extraits de la corrida, qui est un thème ô combien espagnol. Et le taureau dans l'œuvre de Picasso est tantôt très agressif, et le signe de l'aveuglement, de la barbarie, et tantôt le symbole de l'Espagne. Donc on a ces deux interprétations possibles. De la même manière pour tous les personnages en réalité du tableau. Et Picasso prend bien soin de laisser cette interprétation ouverte. Et c'est en cela aussi que la puissance de Guernica peut s'expliquer encore aujourd'hui. Et c'est aussi la raison pour laquelle probablement elle a été mal perçue par les communistes. Oui. Puisqu'en effet, ça n'est pas à proprement parler une œuvre de propagande. C'est avant tout un chef-d'œuvre avec ses multiplicités d'interprétations. Et Géraldine Mercier, elle est mégalo, la photographe, ou pas, quand elle dit que la femme, enfin que le personnage qui lève les bras au ciel dans un mouvement de désespoir absolu, c'est elle? Alors, pas vraiment. Dora Maar était... Oui, Dora Maar, pour remettre son nom quand même. Oui. Photographe qui était amante de Picasso, qu'il venait de rencontrer quelques temps avant la création de Guernica. Donc, comme on l'a signalé tout à l'heure, c'est la première fois que Picasso va accepter une intrusion vraiment dans son processus créatif au moment où il est en train de peindre Guernica et d'être accepté d'être photographié à chaque étape de sa composition. On l'a dit précédemment, Picasso s'inspirait surtout pour les traits féminins de sa compagne Marie-Thérèse, mère de la petite Maya. Et puis, avec Guernica, la figure de Dora Maar va devenir beaucoup plus présente dans l'œuvre de Picasso, et notamment après Guernica, dans la série des Femmes qui pleurent, où Picasso reprend le personnage de la partie gauche de l'œuvre de la femme qui tient son enfant mort dans les bras. Et donc, sur toute cette série des Femmes qui pleurent, ce sont des traits très anguleux, très acérés, qui font immédiatement référence à Dora Maar. Bien, comme ça c'est dit, elle n'était pas mégalo, ce qu'elle dit est vrai. Alors, Guernica nous renseigne, alors, Géraldine Mercier, vous allez garder la parole sur cette question-là en tout cas, Guernica nous renseigne aussi sur l'engagement politique de Picasso. Nous l'avons dit d'ailleurs, hein, il ne s'était pas réellement, tout du moins publiquement, engagé en faveur des Républicains au début de la guerre civile espagnole. Donc ça veut dire que le bombardement de Guernica, j'imagine, a été un tournant. Quel était l'engagement politique de Picasso? Alors, dans le dossier des renseignements généraux de Picasso, il est fait état de ses sympathies anarchistes pendant sa jeunesse à Barcelone, au tournant entre le 19e siècle, enfin à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Et puis, pendant 30 ans, il n'y a aucune preuve d'un quelconque engagement politique dans l'œuvre de Picasso, ni même une prise de position publique, etc. Et puis, il va recevoir la commande par le gouvernement du Front Populaire français pour le rideau du 14 juillet. Et dans les esquisses qu'on présente également, dans une esquisse qu'on présente dans l'exposition, Picasso, pour symboliser la prise de la Bastille, va commencer à dessiner le motif du bras levé, motif de résistance. Mmh. On va retrouver également ce dessin dans les esquisses, la première série d'esquisses préparatoires pour Guernica, enfin pour ce qui va devenir Guernica, donc sur le thème de l'atelier du peintre et son modèle. La dernière esquisse datée du 19 avril, on retrouve ce motif du bras levé. Et le 19 avril, paraît dans la presse, sur le journal Paris Soir, l'annonce de la non-intervention de la France et de l'Angleterre dans le conflit espagnol. Et Picasso dessine une nouvelle fois ce motif de bras levé sur cette page de journal. Donc on sent que l'engagement politique de Picasso est sous-jacent, mais bien évidemment qu'il se révèle avec Guernica. Bien sûr, on va écouter maintenant Pablo Picasso évoquer brièvement Guernica. Alors, la voix de Picasso, c'est une voix rare dans les médias, d'où son intérêt. L'enregistrement date du 21 octobre 1966 dans l'émission Panorama de l'ORTF. Est-ce que, si vous deviez choisir vous-même l'époque, la peinture, la toile qui devrait vous survivre, quelle serait cette toile, quelle serait cette période? Je ne sais pas, c'est difficile. C'est fait avec des intentions tellement du moment, de l'époque et de l'état dans lequel tout le monde et moi nous nous trouvons, que c'est très difficile. Au moment de Guernica, j'ai fait Guernica, n'est-ce pas? Parce que c'était une grande catastrophe, même le commencement de beaucoup d'autres que nous avons suivi, n'est-ce pas? Mais enfin, c'est comme ça. C'est personnel, n'est-ce pas? Au fond, sont des mémoires qu'on s'écrit soi-même, des cahiers, Vous êtes extraordinairement jeune, Pablo Picasso. Est-ce que vous pensez quelquefois... Vous savez mon âge. Mais peut-être que c'est un âge jeune. Bon. Emilia Filippo, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, c'est cette sorte de modestie, souvent, qu'on trouve chez les génies. Hein. Oui, c'est la marque des grands hommes. Mmh. Ensuite, c'est cette incapacité aussi à choisir. On pourrait se dire que Picasso dirait d'emblée Guernica ou même Les Demoiselles d'Avignon, qui sont pas seulement des chefs-d'œuvre pour sa carrière à lui, mais pour toute l'histoire de l'art, et pas seulement du XXe. Mais c'est vrai que c'est cette incapacité à choisir. Et par contre, vous parliez de l'exposition tout à l'heure. Alors, c'est vrai que Guernica, l'original, n'est pas dans l'exposition, puisqu'elle est à Madrid. le parti pris de l'exposition, c'est de le traiter du point de vue de Paris. Et Picasso conservait énormément de choses. Il avait vraiment cette âme d'archiviste. Nous avons 200 000 pièces d'archives au musée Picasso et une quantité d'archives consacrées à beaucoup de ses œuvres, mais entre autres à Guernica. Mmh. Et il a gardé un lien très particulier à cette œuvre. Il s'est lui-même exposé pour la faire voyager dans le monde. Il a insisté, on a dans les courriers qu'il envoie au directeur du Museum of Modern Art de New York, personnellement demandé l'envoi de Guernica de Milan à Sao Paulo avec cette volonté de diffuser son chef-d'œuvre en Amérique latine, donc de lui donner une résonance mondiale importante. Et sans doute, Guernica occupe dans sa création une place bien particulière. C'est une des très rares peintures explicitement politiques de son parcours, avec un engagement et une prise de position affirmée. Le choix du noir et blanc, alors on ne va pas demander si c'était un choix pertinent ou pas, parce qu'on a juste, on a juste à se prosterner devant ça. Voilà, il a fait forcément le bon choix. Mais qu'est-ce que vous en parlez de, qu'est-ce que vous en pensez de ce choix du noir et blanc? Ça aurait pu être en couleur, cette affaire-là. Ça aurait pu être en couleur, et semble-t-il, la première idée de Picasso était de travailler en couleur, puisque dans les esquisses et les 45 aussi. Esquisses qu'on voit, c'est des couleurs très contrastées, très vives, très acides, qui disparaissent complètement. Pas tout de suite, puisque dans le cours d'élaboration de la toile documentée par les photographies de Doramar, on voit bien présent des morceaux de papier peint décoratif, découpés, épinglés sur la toile, donc dans la tradition des papiers collés, donc on revient encore au cubisme, et ces papiers peints décoratifs colorés, finalement, Picasso va les supprimer. Et il va les supprimer sans doute parce qu'ils apportent un côté décoratif, parce qu'ils apportent de la couleur, et que probablement alerté, ou en tout cas pouvant vérifier l'avancée de son travail par les photographies de Doramar qu'il voit en noir et blanc, il est habitué à voir sa toile en noir et blanc et à mesurer tout l'impact que cette monochromie peut lui apporter. Et sans doute aussi conscient de l'importante reproduction de son œuvre, puisque, vous le disiez également dans le reportage, l'œuvre va être tirée en une édition de carte postale qui va diffuser largement et va avoir cette audience aussi par sa reproduction. Géraldine Mercier, la toile a été restituée à l'Espagne en 81. Donc après un long exil, quelle était la place de Picasso dans l'Espagne franquiste? C'était la figure la figure subversive, et pour le peuple, il était qui? Alors pour les artistes qui étaient anti-franquistes, c'était le symbole ultime de la résistance. Ouais. De par son chef-d'œuvre Guernica, mais également pour l'aide qu'il va apporter, que Picasso va apporter à de nombreux artistes et républicains espagnols, que ce soit des amis, sa famille ou des inconnus. Et donc le symbole de Guernica va être présent dans toutes les mémoires. Pendant la dictature, quand on rentrait chez quelqu'un, on savait de quel bord politique ils étaient en fonction de la présence ou non d'une reproduction de Guernica dans l'appartement. Vous savez, si on faisait demi-tour ou pas. Mmh. Et donc, c'est pour montrer la puissance de cette œuvre auprès de la population espagnole sous la dictature. Et Picasso va également s'engager auprès des artistes et des prisonniers politiques dans les années 50-60, au moment où la dictature et le gouvernement de Franco commencent à s'ouvrir beaucoup plus à la scène internationale, en signant des traités avec les États-Unis, à essayer de prendre vraiment une place sur la scène internationale. Et Picasso va s'engager dans des campagnes d'amnestie en créant des œuvres pour ou des portraits en vente justement pour les campagnes d'amnistie. Et en vous écoutant en parler attentivement, bien sûr, j'ai jeté un œil sur la pendule qui m'indique, figurez-vous mesdames, que c'est fini, dommage, hein ? Enfin bon, on a une heure, on n'a pas plus. Merci infiniment à toutes les deux, Géraldine Mercier et Emilia Filippo, et j'encourage donc à nos auditeurs à se rendre au musée Picasso, bien sûr, pour aller visiter tout l'itinéraire, le processus de création de cet immense tableau qu'était Guernica. Merci, au revoir. C'est Affaires Sensibles aujourd'hui, Guernica donc, l'émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à toute l'équipe qui a préparé les émissions de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Jeanne Maillère, Adrien Cara, Margot Pinel et Adrien Mora. Attaché de production, Valérie Priollet. Coordination, Christophe Barrère. Réalisation, Muriel Pérez. Pardon, programmation musicale, Muriel Pérez. Réalisation, David Jacoboviez. À la technique aujourd'hui, Sacha Tropp.